Émotion, censurée, j'en ai plein de conteneurs. J'm'accroche au cendrier, m'arrange par les maxillaires. Section rythmique, section de combat, effet secondaire. Séquelles, c'est tout ce qui me reste de caractère. Tête brûlée, j'ai plus qu'à m'ouvrir le canadair. N'essayez pas de m'éteindre, je m'incendie volontaire. Sortirait que je suis pas de guerre. Vol de nuit sur l'Antarctique, j'attends la prochaine guerre. Jamais d'escale, jamais de contact avec l'ordinaire. Perdu là du sol, le combat, erreur volontaire. Voilà. Frôler les pylônes des canyons, frôler les femelles. Si tu touches, si tu te craches, tu rentres dans le légendaire. Réalité, réalité, punition exemplaire. Si je cours, oui, les fugitifs, moi je suis volontaire. Merci. Salut Yann. J'étais plus là. Ça va bien toi? Bah écoute, un peu barbouillé parce que soirée hier un peu arrosée, repas lourd à digérer. Avec les amis. Oui, bah j'ai pas Chloé hier avec Chloé. Oh oui, Chloé est mort. Oui, on est en train de préparer les bases du prochain album. Ok, préfères-tu être ici, ouais. Être assis ici ou là? Bah peu importe. Parce que ici t'es plus près de la liberté, dans ce cas-ci t'es comme... Bah écoute, ouais. Il n'y a pas de problème. Bah écoute, c'est ça. Ah mais je suis très heureux de te voir enfin. Bah oui, bon c'est pas vu depuis quand? Depuis les Francophonies de Montréal, Alain Bachung. Ah oui, donc c'était il y a environ quelques années de ça quoi. Ah oui, 10 ans. C'est quoi, c'est un H3 en fait? C'est un Zoom, c'est le H3. Oui, mais c'est lequel, je connais plus. Ah, bah attends un petit peu, on va dénuder. Ah oui, c'est le DR, hein, d'accord. Oui. Alors donc c'est très bien pour ce genre d'entrevue-là, ouais. Ça a une portée bidirectionnelle, donc le son est clair vis-à-vis nous, et autour on entend un peu ce qui se passe, donc d'accord, c'est très... En plus tu sais que tu es dans mon fief ici. Ben oui, mais c'est nouveau. Parce que moi en fait, j'habite dans la rue, non c'est pas nouveau, je viens de déménager depuis peu, mais j'habitais au 115, donc quasiment la porte okay, à côté, ouais. Et là je viens de déménager au 140, tu vois, okay. Voilà. Ah, ouais. Voilà, donc j'ai ici... Mais là faut pas dire ton adresse à la radio, ah, non, mais non, on coupe pas. On va faire le montage. Non, mais ça fait 20 ans, ouais, ça fait 20 ans que j'habite ce quartier-là. Moi, j'ai voulu changer, évoluer, ça fait partie de ma... Voilà, tout le monde ici, c'est mon village. Quoi. C'est-à-dire que si un euro, je suis une star, c'est là. Mais, non, mais tu es une star avant tout. Je veux savoir, est-ce que tu viens de Paris? Non, en fait, oui. C'est-à-dire que je suis né à Amiens. Je suis né dans le nord de la France, okay. Par mes parents. Mais en fait, mes parents habitaient déjà Paris quand je suis né en

J'ai pas tuté, non, j'ai fait jusqu'au bout, mais c'est pas... Ok, ça te plaisait pas. C'est pas que ça me plaisait pas, c'est que c'était pas tout à fait mon univers okay. pour lequel j'ai fait. Et puis bon, je sais plus d'autres artistes. Et puis après, pendant des années, à un moment donné, j'ai réalisé l'album Marie-France, j'ai composé les chansons, j'ai retravaillé encore avec Birkin un peu à ce moment-là. Et à un moment donné, j'ai traversé une période où j'en avais assez de la chanson française, du format chanson, de tout ça, parce qu'on m'appelait que pour des choses très variétées qui ne me plaisaient pas. Et à un moment donné, j'ai eu à la fin des années, vers la fin des années 90, j'ai complètement arrêté toute la chanson française. Je n'ai fait que de la musique africaine et du rail. Oh, ok. Déjà, j'avais fait pas mal de disques africains. J'avais travaillé aussi bien avec des gens comme Papa Wemba, des AXXL, Mayway, des gens qui sont vraiment des artistes. Oui, qui sont très connus. Parce que j'avais beaucoup joué très jeune avec des musiciens africains aussi. Okay. Jeunes. Donc, du coup, j'ai travaillé ça. Et j'ai fait ça pendant 3 ans à peu près. Pendant 3 ans, j'ai joué avec Sheikha Rimiti, la grande chanteuse de 80 ans de rail. Oui, oui, oui. Donc, oui j'ai oui. fait tous ces artistes-là, tous ces artistes de rail, de Bilal, Rimiti. Que l'on appelle la musique du monde. Chez Kazawania, tous ces artistes. J'ai fait plus ces artistes africains. Et tu te sentais à l'aise là-dedans. Oui, oui, j'étais Pourquoi vraiment. C'est parce que c'est une musique spirituelle. Oui, et puis parce que c'est une musique très improvisée, avec une grande liberté. Puis j'aime bien l'idée de ne pas savoir où je vais. Okay. Et je me suis retrouvé. Ah, c'est vrai. Hein. Je faisais des concerts dans des zéniths où je montais sur scène avec des artistes dont je ne connaissais pas le répertoire. Ben oui, mais tu avais pratiqué avant? Non, même pas. Oui, j'avais écouté. Mais je montais sur scène, je ne savais même pas ce qu'on allait jouer. J'écoutais l'intro du morceau et on partait. Et on faisait 3 heures de concert dans des zéniths de 6000 places comme ça. Et mec, tu? Et ah, mais j'adorais ça. J'étais parti à 15h30, j'étais fatigué, j'avais mal. Tu es fatigué, c'est tout. Nickel. Acheter une livre et puis des viandes à chair et quand on boit plus chips. Quel besoin avais-tu d'acheter tout ça? Nickel. Tu ferais mieux de nous prendre un truc qui marche, mon garçon. Tu ferais mieux de nous prendre un truc qui marche. Allez, continue comme ça. Continue comme ça. Oh oui. Oh oui. Aval, me disais-je. Allez, aval. Allez au diable! Je m'appelle Samuel Or. Je vous déteste tous. Allez au diable! Je m'appelle Samuel Or. Je vous déteste tous. Allez, continue comme ça! Mon estomac s'est contracté. Oh, de la mortadelle, Dieu sait quoi. Oh Seigneur, je dis où. Tu ferais mieux de revoir tes vieux amis, dit-elle. Tu ferais mieux de revoir tes vieux amis. Glisser le carbone plus papier dans la machine. Et au travail, c'est ça, oui, c'est ça. dit-elle. Oui. Oui. Oui. Avale, me disais-je. Allez, avale. Allez, au diable. Je m'appelle Samuel Or. Je vous déteste tous. Allez, au diable. Je m'appelle Samuel Or. Allez, continue comme ça. Continue comme ça. Continue comme ça. Oui. Oui. Oui. Oui. C'est un bol d'air frais, j'avais envie de changer d'univers. Et puis après ça, ben en fait, j'ai eu envie de revenir, c'est marrant parce que sans que je le décide, j'ai eu envie de revenir à la musique tout d'un coup. J'ai repris goût à la pop musique, j'ai repris goût à la chanson, j'ai repris goût. Et ben derrière ça, je me suis remis à, ben, directement, le premier coup de fil que j'ai eu après ça, quand j'ai dit tiens, j'ai envie de revenir à la musique française, ça a été Mio Sec. Oh oui, avec quel album ? En fait, je suis arrivé sur Brûle. Oui. Sur l'album Brûle, et là on a fait pas mal de concerts ensemble qui étaient bien. Après, on a travaillé ensemble sur 1964. Mmh. Et 1964, bah, j'ai. Le studio. Voilà, j'ai co-signé des chansons sur cet album. J'en ai co-signé. La mélodie. Les musiques. Qu'est-ce qui signe les musiques ? J'ai co-signé 6 chansons sur cet album. Et puis après, bah, voilà, on a travaillé. Puis après, il y a eu l'épisode Bachung. Mais Alain Bachung, ça a été quand même pour plusieurs une révélation. Parce que Alain Bachung laissait une place aux musiciens énorme. Oui, effectivement. Ah bah, il y a eu un avant et un après Bachung. Ok, vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai travaillé avec Alain, si tu veux, avant de travailler avec Alain, si j'avais cette liberté que j'avais dans les musiques orientales, c'est pour ça aussi que j'avais fait toutes ces musiques-là. Mais comment Alain Bachung t'a recruté ? Par audition. Oh oui. Oui, alors à quelle question tu veux que je te réponde, parce que, d'abord, non, ok, voici, excuse. Okay. Voilà. Parce que donc le truc de Bachung, ça a été j'ai retrouvé la liberté que j'avais eue dans le rail, c'est-à-dire de pouvoir transcender les choses, de pouvoir. Oui, une grande liberté. Mais je me rappelle plus quelle était ta question du coup. Comment Alain Bachung a pu te recruter? Eh ben, il a fait des auditions, en fait. Il y avait des auditions à Paris qui ont duré 2 mois. Ah oui, non, mais c'était quelque chose d'assez incroyable. Mais explique-moi comment. Je t'explique, parce que c'est Alain Bachung, il y a avec lui qui pouvait se permettre ça. Mais pourquoi tu dis que c'est juste Alain Bachung qui peut se permettre ce genre de choses? Parce qu'il avait une idée en tête très précise de ce qu'il voulait. Ok. Et il voulait prendre son temps et monter son équipe comme il la voulait, en prenant son temps, et non pas en faisant des auditions d'une heure de chaque musicien. Et puis il voulait vraiment avoir le groupe idéal. Ok. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'au lieu de faire des. En fait, il y a eu 2 mois d'audition. Et en fait, tous les jours, des musiciens venaient. Ils montaient une équipe différente tous les jours. Il y avait guitare, basse, batterie, clavier, des cordes. Et en fait, c'était des auditions qui duraient la journée. Voilà. Et donc, l'audition, moi j'étais contacté. Et en fait, quand on arrivait en audition avec Alain, tout d'un coup, on n'avait pas du tout, déjà, il était totalement à l'aise, mais on n'avait pas la sensation d'auditionner. Okay. C'est-à-dire que tout d'un coup, on jouait les morceaux, mais comme c'est pas comme quelqu'un qui fait une heure et qui, souvent, quand on fait une audition pour un artiste, les gens sont un peu stressés, c'est vrai qu'au bout d'une heure, ils peuvent se dire, là, on répétait toute la journée. Donc, au bout d'une heure, on oubliait totalement qu'on était en audition, parce qu'on était en répète, ils disaient, tiens, on va répéter tel titre, on essaye ça, et puis ils disaient, tiens, de la base, plutôt ceci, il écoutait, et puis, et voilà. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, on avait joué comme on voulait jouer. À aucun moment, on s'était senti frustré de se dire, tiens, j'ai pas... C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de figure imposée, c'était vraiment... On jouait les morceaux, mais en même temps, ils nous laissaient une totale liberté de... Voilà. Et du coup, et après, en fait, moi, je suis revenu plusieurs fois. Après, en fait, ils sélectionnaient des gens par rapport à ce qu'est... Et à chaque fois, après, il faisait revenir un batteur, un bassiste, un truc qu'il avait aimé. Et progressivement, il montait son équipe. Et tous les jours... Ça a duré 2 mois comme ça jusqu'à l'équipe complète. Oh. Et moi je suis venu, j'ai dû venir 4 ou 5 fois. Et c'était comme des demi. Bah oui, mais c'était d'autant plus dur à la fin parce qu'au début on y va, parce qu'après moi j'ai appris qu'il y avait eu plus de 80 guitaristes qui avaient auditionné. Oh. Tu vois, il y en avait qui venaient de Belgique, il y en avait qui venaient de France, de partout. Et au début, bah, on se dit bon bah. J'y vais et j'ai rien à perdre. Oh, ouais. Mais plus ça avance quand on nous fait revenir, on sait qu'il y en a de moins en moins. Et en plus, on revoit, on se dit tiens, le batteur et le bassiste, il était déjà là. Ah, oui, okay. J'ai déjà vu, on commence à se poser des questions. Et puis, moi, je me faisais des nuits blanches à chaque fois parce que c'était vraiment mon rêve de travailler avec lui. Et en fait, la dernière audition que j'ai faite, là, je m'étais dit bon, là, c'est la dernière, j'en peux plus. Je suis à bout parce que ça. Je veux savoir. C'est pas que je veux savoir, mais c'était trop de stress, trop d'épuisement physique. Et en fait, la dernière fois que j'y suis allé, sans le savoir, j'étais déjà pris. Okay. Et en fait, simplement, il écoutait l'ensemble pour vérifier qu'il avait vraiment la bonne équipe. Et ça, c'était et ça, sur ça duré, l'album Fantasy Militaire. Non, c'était sur l'imprudence. Ok. Alain n'a pas tourné sur Fantasy Militaire. Il n'a pas fait de tournée à cette époque-là. Okay. Il a juste fait un truc, une promo ou deux télé. Il n'a pas fait de tournée après Fantasy Militaire. Mais par contre, on a joué quasiment l'intégrale de Fantasy Militaire parce qu'il n'avait jamais été joué sur scène. Et c'était surtout dans la même liaison que son album L'Imprudence. Oui, mais c'était comme ça la première année. Ouais. La première année, on était vraiment dans la tournée, ce qu'on appelle les grands espaces. On était 8 sur scène, voilà. Et en fait, l'année suivante, on est revenu à une formule à 4 musiciens qui était quasiment identique à celle qu'on a eue avec à Brad Scott. En fait, c'était les mêmes musiciens, sauf qu'il y avait plus, il y avait le violon en moins, il y avait le clavier en moins, il y avait un guitariste en moins. Okay. Voilà, donc on était juste guitare, basse, batterie, violoncelle. Voilà, on était. Et c'est cette formule qu'il a gardée jusqu'à la fin. Ouais. Il a changé de bassiste, mais sinon c'est la même formule qu'il a gardée jusqu'à la fin. Et là après, on a commencé une fois qu'il a fait un an de tournée L'Imprudence, il avait envie de revenir quelque chose de. Bah, il voulait rejouer d'anciens titres, il voulait revenir quelque chose de plus rock, de plus. Accessible. De plus léger, oui, plus accessible. Voilà. Et donc à partir après les un an de tournée des grands espaces qui étaient. Tourner des grosses scènes. Mais surtout avec des effets spéciaux extraordinaires. Bah, avec des... Et bah, de toute manière, tu as dû nous voir puisqu'on avait fait 2 années de suite à Montréal. Oui, tu as vu une première année avec la grosse scène. En pente. Et après, tu as vu une deuxième année avec une formule plus petite. Mais plus, on s'est vu au Francophonie avec celle-là. Avec cette formule-là. Et notre rencontre s'est faite. C'est assez inusité. J'étais assis, j'attendais mon billet et toi, tu allais préparer le son de Diane Dufresne. Et là, je t'ai vu au loin et moi, je t'avais remarqué parce que j'étais là pour les 2 spectacles et je t'ai vu arriver au loin et je dis ah, salut, tu étais au spectacle. Je t'ai vu sur la scène de la maison. Ah, oui, salut, comment tu t'appelles, Renan? Je me souviens très bien. Et sur Facebook, je t'ai fait cette allusion-là et tu te souvenais de cet événement-là. Je me souviens très bien. C'est quand j'ai même une très bonne mémoire. Ah, oui, non, mais c'est quand même assez extraordinaire de voir arriver un guitariste et de se dire qu'il était sur scène et qu'il, vraiment, chez nous, on dit qu'il tripait, c'est-à-dire qu'il vivait la musique, il vivait à l'instant. Et ce gars-là se promenait avec sa guitare pour aller pratiquer avec Diane Dufresne. Oui, parce qu'en fait, Diane jouait, je venais jouer 2 morceaux d'Alain. Oui. Et en fait... Lesquels? Est-ce que tu t'en souviens? Elle avait joué... Oxygène? Non, mais ça, c'est un titre d'elle. Oui, oui. Mais on avait joué... L'été, là, Étrange été. Étrange été, je crois. Oui, Étrange été. Étrange été. Et elle voulait quand même, parce qu'au départ, tu sais, ils étaient... Il y a tout d'un coup le chef d'orchestre de Yann Dufresne qui m'appelle, le chef d'orchestre, le, je ne sais pas si son mari ou le manager de Yann Dufresne qui m'appelle, qui me dit. En italien ? Oui, je ne sais plus. Okay. Je ne sais plus, quelqu'un de très gentil d'ailleurs. Okay. Et qui me dit est-ce que vous voulez que je joue pour les titres de Diane, que je vous amène mon chef d'orchestre ? Alors là, je prends le téléphone, je lui dis, non, je lui dis, écoute, l'intérêt, et je pense que c'est aussi l'intérêt d'Alain, c'est que si tu viens jouer avec Bachung, c'est pour qu'on fasse ça à la sauce Bachung. Ah ouais. C'est pas pour te le jouer. Et elle me dit, mais vous êtes sûr que vous allez arriver à comprendre? Et en fait, dès qu'on a joué le morceau, ils ont été. Vous êtes des professionnels. Oui, mais parce qu'on a joué en plus, on a arrangé Oxygène d'une manière complètement différente. On a joué d'une façon beaucoup plus sombre. Et donc, ils ont été sidérés parce qu'en plus, il n'y avait pas de clavier dans le groupe. Ils me disent, comment vous allez faire pour la partie clavier? Je fais, ne t'inquiète pas, vous allez voir. ils étaient ravis. Et après, j'ai répété avec elle pour le morceau d'Alain, pour bien voir les structures. Mais quand tu pratiques, Alain n'est pas là. Ah si. Okay. Non mais là dans ce contexte-là non, parce que pour Diane, pour les autres artistes, il m'avait fait confiance, tu vois. Ah, c'était toi le directeur artistique. J'étais quelque part, je préfère dire chef d'équipe que chef d'orchestre. Okay. C'est-à-dire que le chef d'orchestre c'était Alain. Okay. Mais quelque part il me faisait énormément confiance. Donc souvent il me laissait la dernière tournée, il m'a laissé vraiment les grands espaces. Ah, bah, la dernière tournée, j'ai vraiment, on peut dire que j'ai fait la. Ok, sa dernière tournée. La dernière tournée, j'étais un peu le chef d'orchestre parce que là, avec ses problèmes de santé, tout ça, donc c'était voilà. Mais c'est vrai que avec Alain, de toute manière, il n'y avait pas besoin, il nous disait un mot, on comprenait tout de suite, et voilà, il nous donnait des indications, et si une fois qu'on nous faisait confiance, et puis en un seul mot, il pouvait très bien nous recadrer, quoi. Mais le DVD que l'on a sous la main, c'est extraordinaire. Et je trouve aussi c'est un exemple pour les gens qui sont malades, les gens qui sont souffrants, les gens qui vont mourir. C'est imaginer que cet artiste-là est mort quelques mois après. Oui. Et il a donné un spectacle. Du début, mais il n'y a jamais. Non, mais tous les gens devraient le prendre en exemple. Exactement. On n'arrive même pas à donner ça sur scène lorsqu'on est en pleine santé. Oui, mais Alain, Alain, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais plaint. Jamais. Mais jamais. Pas une fois. Alors que jamais il nous a dit c'est difficile. Une fois sur un concert, il a enlevé deux morceaux d'un rappel, mais une fois. Okay. On a annulé, enfin reporté une seule date sur toute la tournée. Voilà, parce que Alain, pendant qu'on faisait l'Olympia, on fait 3 jours à l'Olympia, il y avait un jour off, il fait une chimio pendant le jour off et le lendemain il remonte sur scène. Mais c'était hallucinant. Incroyable. On se demandait comment il faisait. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, bonheur d'enfant au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton détour. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur à la tenue. La nuit je mens, je prends les trains à travers la plaine. la nuit je mens, éventuellement. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore l'écho. Où subsiste encore l'écho. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murailles, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. J'étais paré, la nuit je mens, je prends les trains à travers la plaine. Je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore l'écho. Où subsiste encore l'écho. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de piste, où subsiste encore l'écho. Où subsiste encore ton écho. Il a été jamais pathétique, toujours positif et tout ça. Et puis nous de toute manière, jusqu'au bout, on a cru qu'il allait s'en sortir. C'est-à-dire, contrairement aux gens de la télé qui disaient il est déjà mort. Ouais, nous, pas du tout, parce que nous, déjà, quand on est au quotidien avec les gens, on le voit, nous, on était tous les jours. Bon, c'est vrai qu'on voyageait en jet et tout pour qu'il soit le moins privé, fatigué possible. Hein, c'était justement pour qu'il soit le moins fatigué possible. Mais jamais. Et puis en plus, il s'est trouvé que à partir de septembre, donc 6 mois avant qu'il parte, il était en rémission. Donc nous, on était heureux vraiment, parce que pour nous, et c'est pour ça que quand il est décédé, en fait, à la base, on avait encore un an de tournée derrière. De préparer. Il y avait en fait, parce que comme à partir du moment où il était en rémission, Alain, il a dit, bon ben maintenant je suis en rémission, ça va mieux. Il est reparti, lui, il avait des visions. Ah ben, il voulait repartir sur un an de tournée, on était reparti sur un an de tournée, et il voulait très vite refaire un album derrière. Il commençait déjà à se préparer pour faire un nouvel album. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Victoires de la Musique, là où tout le monde a dit c'est fini, il va partir. Ouais. Le contexte, c'est, les gens n'ont pas compris les mêmes choses que tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, une semaine avant les Victoires de Musique, ou 10 jours avant, il a eu un œdème pulmonaire et une phlébite. Okay. Mais ce n'était pas le cancer. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il a été en rémission, après, il a commencé à avoir ses défenses immunitaires qui étaient complètement affaiblies. Et en fait, sa mort est plus due à toute. En fait, à. Il s'en est trop donné. Un ensemble de maladies. Il n'est pas mort du cancer, hein. Il est mort d'un ensemble. Il a eu un œdème pulmonaire, une phlébite, une infection. Urinaire. Il a eu plein de choses comme ça, et tout à la fois, et son corps n'a pas pu. Et en fait, il s'est épuisé également à tourner. Ouais. Hein. Oui, mais bon, je pense que s'il n'avait pas eu la tournée, il serait peut-être pas bien. Il serait mort avant, oui. Et du coup, on était, si tu veux. Sidérés. Non, mais après les Victoires de la Musique, quand il est rentré à l'hôpital, 4 jours après, il était en pleine forme, ce qui arrive souvent dans les cas comme ça. Ouais, il est vraiment. Ouais. Et du coup, pour nous, bon, dès qu'il est rentré à l'hôpital, parce que nous, au Victoire de Musique, on est inquiets, parce que pour nous, il avait un traitement pour un œdème pulmonaire, ouais. Et c'est vrai que ce traitement, ça t'assèche le poumon et ça t'endort complètement, ça t'assomme totalement. Donc pour nous, on se disait, bon, en fait, il aurait pu rentrer à l'hôpital plus tôt, mais il voulait être là au Victoire de la Musique. Donc pour nous, on s'est dit, bon, dans 3 jours, ça allait mieux. Et ce qui était le cas, c'est-à-dire que moi, 4 jours après, je l'ai eu au téléphone, il était en pleine forme. Il me dit, bon, on va décaler de 15 jours les dates au Grand Rex. Il commence à me dire, Yann, si t'as une idée, je voudrais faire une nouvelle reprise. Il pensait même peut-être prendre un morceau des Doors aussi. Tu vois, okay. Voilà, il était dans. Il réfléchissait à beaucoup incroyable, de choses. Incroyable. Et voilà. Et en fait, c'est en 48 heures que tout d'un coup, tout a basculé. 48 heures, j'appelais Chloé, j'appelais Alain régulièrement au téléphone et Chloé me dit tout d'un coup, en 24 heures, son état a basculé à 90 degrés et les médecins me disent que soit il remonte la pompe demain, soit il faut se préparer à l'accompagnement. Et il est mort 4 jours après. Donc ça a été très rapide. Et aujourd'hui, tu travailles avec sa femme? C'est-à-dire que j'ai réalisé son dernier album il y a à peu près un an. Oui, je l'ai écouté. Voilà, et puis c'est un album très underground, hein, très, oui. Voilà, très conceptuel. Et puis là on prépare des bases pour un prochain album peut-être qu'elle va à ce moment faire avec Malcolm Byrne. Ok, et, oui. Voilà, donc après, a priori on travaille ensemble pour voilà. Mais comment elle prend son rôle de chanteuse, parce qu'à l'origine c'est une comédienne? Oui, mais ça fait bien longtemps qu'elle a mis la comédie. Oui, ça fait bien longtemps. Oui. Et crois-tu que le fait d'avoir rencontré Alain Bachung a fait en sorte que la musique est rentrée par la grande porte? Ah oui, je pense que ça y est. Mais je pense qu'elle a toujours chanté, mais c'était. C'est-à-dire que moi je dirais que ça fait vraiment 2 ans que maintenant elle est vraiment là-dedans à fond, hein, qu'elle est... Ah, il l'a comme amené avec le Cantique des Cantiques. Voilà. Et donc c'était le début, et voilà. Et puis bon, nous on a beaucoup travaillé ensemble, on a développé des choses. Et quel style crois-tu voir en elle? Est-ce que c'est un style planant, un style plus punk? Non, moi j'aime bien l'idée de lui dire. Moi, parce que je lui donnerais une image country punk. Country punk, ok. Ouais, quelque part, parce qu'elle est folle de country, en même temps, c'est quelque part quelqu'un de très underground, assez punk, très arty, qui aime beaucoup la musique, la musique contemporaine et les choses très arty, quoi. Et est-ce qu'elle va chanter plus en français ou en anglais? En fait, avant, elle chantait plus en français. Ok. Parce qu'en fait, on a fait 2 albums avant, et là, je pense que ça va être plus en anglais maintenant. Et toi, éventuellement, crois-tu faire une carrière solo? J'y pense souvent, mais à chaque fois, je me retrouve à composer pour d'autres, à écrire pour d'autres. Oui, j'y pense, mais c'est pas quelque chose qui me. C'est-à-dire que je le ferai. Oui. Et j'y pense que j'ai des chansons et tout ça, mais souvent. Mais c'est pas vital pour moi. C'est pas quelque chose de. Il y a des gens faire un album chanter. J'ai composé pour je compose souvent, donc au moins composer pour les mais autres. Tu parles de composer la musique et non pas de composer voilà. Les paroles. Voilà, la musique. Mais franchement, faire de la, ça me va très bien. Quoi. Et puis surtout, quand on a été guitariste de Bachung, de Miossec, de TFN, Ligelin, tout ça, dans ces moments-là, on ne trouve pas le besoin de se mettre en avant. Quoi, un peu comme la vision de Borgère avait dans la musique, tu pourrais également faire des albums solo et t'inclure. J'y pense, mais jusqu'à maintenant, ça a été surtout un manque de temps. Okay. Ou un groupe, pourquoi pas? Groupe, je sais pas. J'ai des musiciens que j'adore, avec qui je travaille tout le temps, okay. pour des shows, donc je sais qu'avec eux, c'est totalement possible de faire de belles choses. Et tu les as rencontrés grâce à... D'années okay. de tournée. Mais en travaillant avec XYZ, voilà, vous êtes... J'ai des musiciens avec qui je sais que, par exemple, les musiciens d'Alain, donc on est tous très proches. Et... Ça va? Et on est tous très proches et c'est régulièrement qu'on fait des projets ensemble. Qui sait? C'est un restaurant dans le quartier. Okay. Voilà. Tu sais, voilà. C'est ici, tout le monde. Non, mais c'est bien. Voilà. Et puis, c'est ça. Mais en plus, avec la mort d'Alain Bachung, ça t'a donné comme un... Ça t'a procuré un néant, c'est-à-dire que. Non, mais pour toi, monétairement parlant, puis même artistiquement parlant. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à. À